Bonjour chez vous, mon nom est Hector de Maris, je suis chevalier de Notre-Dame, par la grâce de Dieu. Les Chroniques du Crac, votre émission trimestrielle de reconquête culturelle avec deux membres de l'Ordre de Notre-Dame pour m'épauler, le frère d'armes Alban Guillemois à l'illustration et l'écuyer Joseph au montage. Imaginez un chevalier à notre époque. Imaginez ce cavalier revêtu de sa cuirasse, galopé le long de nos routes, tandis qu'au-dessus de lui passe un gros avion civil. Bonjour ! Cheval, l'armure, etc., si tout cela était accessoire, et si l'objet, le but de la chevalerie, et sa nature même, était à trouver ailleurs. Mon nom est Hector de Maris, je suis chevalier de Notre-Dame. Bienvenue dans les Chroniques du Crac. Chronique du crâne. Frère Hector de Maris. Chroniques du Crac. Les Chroniques du Crac des Chevaliers, une émission trimestrielle de réinformation catholique et de reconquête des esprits. Alors je parle de réinformation catholique parce que face au torrent de boue et d'hérésie déversé par le pape François, disons les choses comme elles sont, il est nécessaire d'opposer maintenant un discours catholique. Et lorsque le Vatican parle, je vous garantis que je ne fais pas comme les trois singes, je ne bouge pas les oreilles, ni la bouche en beuglant, c'est le pape, c'est le pape. Par exemple, le pape s'est montré fort discret lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, alors qu'il aurait dû dénoncer cette cérémonie scandaleuse et luciférienne comme c'était son rôle. Le pape s'est montré fort discret, c'est d'ailleurs ce que souligne la vidéo YouTube de Europe 1 du 28 juillet dernier. Nous sommes le premier samedi du mois à l'honneur de Notre-Dame Sainte-Marie, c'est la 7e émission trimestrielle depuis le 4 mars 2023. Et depuis, je me suis aperçu que depuis 6 trimestres révolus, je vous infligeais à chaque fois 2 heures d'écoute, même parfois 2h15, alors c'est un peu long. J'ai donc décidé d'en venir à un format plus léger, d'une heure à 1h15 au maximum. Ce sera donc du condensé, ce sera très bien. Je conserve bien sûr vos rubriques habituelles, la gifle d'or, la doctrine sociale de l'Église, les grandes journées de la chrétienté, chevalerie et ordre de chevalerie, les aventures de Tancrède de Montmirail, mais avec des formats plus courts, de manière à ce que vous ayez envie de revenir me voir. Musique maintenant, et c'est pas du grégorien. Le but de cette émission est de vous faire partager ce qui est beau musicalement, pour tenter de contrebalancer les couleurs hideuses de la Révolution. Alors un peu de bonne musique country, pour ouvrir le bal chez le général Lee, bien entendu. Est-ce que le nom de Marty Robbins, qui a été rappelé à Dieu en 1982, vous dit quelque chose? Acteur américain de western dans les années 60, chanteur country, pilote automobile de stock car pour la NASCAR, mais surtout héros nationaliste décoré de la guerre du Vietnam, Marty Robbins, comme le chanteur country Merle Haggard, est resté anticommuniste jusqu'au bout. Et ses deux chansons anti-bolcheviques les plus connues sont My Own Native Land et Ain't I Right, composées dans les années 60. Ain't I Right dénonce les pacifistes opposés à la guerre au Vietnam, qui n'étaient que des communistes travaillant consciemment ou non pour le KGB, une cinquième colonne donc à des milliers de kilomètres du front. Et oui, parce que aux politiciens qui suggèrent courageusement aux Américains de partir se battre dans les rangs Viet Minh, Robbins, Marty Robbins, leur suggère d'aller eux-mêmes se battre et mourir à la place des jeunes Américains. Et toute ressemblance avec une certaine guerre actuellement à l'Est et avec des politiciens existants ne serait pas forcément purement fortuit. Je vais vous passer donc Ain't I Right de Marty Robbins, accompagné de l'extrait d'une scène entre Rambo. Donc Rambo et son colonel qui illustre bien cette chanson. Extrait du film donc Rambo 1 de 1982, mais tout de suite Ain't I Right, donc une chanson que vous n'entendrez jamais au village. Les chroniques du crack. Les chroniques du crack. Chevalier Hector de Maris. Vous voulez dire que tous ces gens pensent ce que vous voulez ? Où suis-je ? Au village. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. You came down to this southern town last summer to show the folks a brand new way of life. But all you've shown the folks around here is trouble, and you've only added misery to their strife. Your concern is not to help the people, and I'll say again, though it's been often said, your concern is just to bring discomfort, my friend, and your policy is just a little red. Now ain't I right? Ain't you right? It matters not to you how people suffer, and should they, you consider that a gain. You bring a lot of trouble to the town and then you leave. That's part of your communistic game. I detect a little communism. I can see it in the things you do. Communism, socialism, call it what you like. There's very little difference in the two. Now ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? Your followers sometimes have been a bearded, bathless bunch. There's even been a minister or two. A priest, a nun, a rabbi, and an educated man have listened and been taken in by you. All the country's full of two-faced politicians who encourage you with words that go like this. Burn your draft card if you like, it's good to disagree. That's a get acquainted communistic kiss. Now ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? One politician said it would be nice to send some blood and help the enemy in Vietnam. That's what he says, here's what I say, let's just keep the blood. Instead, let's send that politician mad. Let's rid the country of the politicians who coddle tramps that march out in our street, protesting those who want to fight for freedom, my friend. This kind of leader makes our country weak. Now, ain't I right? Ain't you right? Let's look and find the strong and able leaders. It's time we found just how our neighbors stand. If we're to win this war with communism, let's fight it here as well as Vietnam. Let's rise as one and meet our obligations, so communistic boots will never trod across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great almighty God. Across the fields of freedom that were given to us with the blessing of our great almighty God. Terminé, Johnny. C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde, et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des prochains? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé, maintenant. Pour vous ! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais ici, j'arrive pas à avoir un boulot. Gardien de parking ! Alain Dorval, bien entendu, Alain Dorval, la voix française extraordinaire de Sylvester Stallone pour le film de 1982, Rambo. Alain Dorval, que Dieu a rappelé à lui le 13 février dernier, à l'âge de 78 ans. Alors, il est vrai que la saga Rambo présente de manière peu sérieuse la guerre de commando. C'est vrai. J'en discutais d'ailleurs récemment avec un ami qui est sous-officier d'active. Je le salue bien amicalement, il se reconnaîtra. Mais le film de 1982, Rambo 1, a le mérite de rappeler l'ingratitude criante dont ont été victimes les anciens combattants américains du Vietnam, et d'ailleurs, entre parenthèses, les soldats français d'Indochine aussi, ne les oublions pas. L'ingratitude du public, après les batailles. Ils sont partis au combat sous les fleurs et les hurrahs, ils sont revenus sous les tomates pourries et les crachats. Ils reviendront dans une nation qui fera d'eux des parias, dans les années hippies. Tout cela par la faute donc de cette cinquième colonne pacifiste aux ordres du Moscou soviétique que dénonçait déjà Marty Robbins en 1966. Autre colonne ennemie, ce sont ces agents soviétiques qui dans les années 70 ont infiltré les séminaires catholiques romains pour devenir les prêtres et prélats modernistes actuels qui font énormément de mal à l'Église. Je vous signale tout de même qu'en juillet dernier, exemple parmi tant d'autres, durant une messe dans une église en Bavière, un cycliste a grimpé en vélo-cross les marches de l'autel sous l'applaudissement du clergé et des fidèles. Alors bien sûr, il y a une dérive grave de l'Église, qui de catholique est devenue conciliaire et maintenant mondialiste. Et en 1998, le catholique Serge Lama dénonçait cette dérive. Vous allez entendre sa chanson « Je vous salue Marie ». Enfin, je vous passerai un bref extrait de l'entretien que le chanteur très malade avait accordé à une journaliste qui, bien entendu, lui demandait ce qu'il pensait de l'euthanasie. Vous allez entendre sa très belle réponse. Mais tout de suite, « Je vous salue Marie » par Serge Lama. Écoutez. Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ses prêtres. Il s'est glissé chez eux des Judas et des traîtres. Un vent d'Est a soufflé glacial qui dénature leurs sermons inspirés par la nomenclature. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel, le capital de Marx est leur nouveau missel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Je vous salue Marie, oui mais de grâce, de vos prêtres il faut vous méfier. Je crois en Dieu, hélas, plus du tout dans ces hommes. Et nos enfants non plus ne passent plus par Rome. Ils ont pris des sentiers à l'écart des touristes. La voie sacrée a pris des allures de piste. Où est le rassembleur, le Messie, le berger, qui récupérera ses brebis naufragées? Où donc est la soutane où l'on reconnaissait avec respect l'homme de Dieu quand il passait? Je vous salue Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Protégez vos brebis de ces rapaces, ils les ont déjà sacrifiées. Je crois en Dieu, hélas, le cercueil de mon père, écrasé sous les fleurs, était bien solitaire. La croix dans une main, dans l'autre la sébile. Un vieux prêtre annonnait les mots de l'Évangile. dans la chapelle morne où la mort s'étonnait. Le jardin de l'Éden offrait des fleurs fanées. Quand il n'y a plus d'enfants pour chanter le credo, l'eau de vos bénitiers n'est qu'une flaque d'eau. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. Vos prêcheurs d'aujourd'hui font fin de race. Tous leurs gestes sont modifiés. Debout, debout les mots, les jolis mots antiques, et les incantations, et les chœurs des cantiques. Il faut rentrer dans nous comme en un monastère, et se dire qu'on est soi-même un grand mystère, et qu'éternellement du berceau au linceul, l'homme est sans le savoir une secte à lui seul. Et qu'éternellement du berceau l'un seul, l'homme est sans le savoir une secte à lui seul. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Que votre nom soit sanctifié. L'évangile est soumis à ceux d'en face. Votre fils est recrucifié. Aujourd'hui, ensemble, est-ce que vous parlez de la vie sans vous ? Non, on n'en parle pas. Ah non, elle veut surtout pas qu'on parle de ça. C'est tabou. En fait, c'est tabou. Vous savez que la loi sur la fin de vie doit évoluer en France. Oui, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure ? Je crois qu'il y a une force supérieure, et cette force a besoin que nous, les humains, nous allions jusqu'au bout de ce qui, pour moi, est déjà un calvaire depuis l'âge de 22 ans. Donc, je pense qu'il faut que je vive ce calvaire jusqu'au bout et que je l'assume. Et si vos douleurs devenaient insupportables, insurmontables, je resterai quand même. Je resterai parce que je suis chrétien et je resterai parce que je pense que c'est mon devoir vis-à-vis de Lou de me battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de ma vie. Retour, retour, retour vers le passé, vers le passé. Le rire pour améliorer notre santé. Le rire est essentiel, on a besoin de rire tous les jours. Hé hey, l'homme, tu es tombé dans les douves du donjon pour avoir les cheveux verts ? Qui es-tu ? Quel est ton nom ? Je suis démocrate. Démoniaque ? Démocrate. C'est nouveau comme idée, nous ne sommes encore qu'en 1189, mais dans 600 ans, ce sera la mode. Il faut le peuple, c'est-à-dire les bourgeois à la place du tyran Philippe Auguste, il faut couper le cou aussi aux prêtres et aux moines, je suis pour supprimer aussi l'humain qui est toxique, il faut remplacer les voitures à bœufs par des charrettes tirées par des mules, et décimer les troupeaux de bovidés, car les flatulences des vaches, sachez-le, réchauffent l'air et ça fait tousser un peu. Enfin, je suis partisan de supprimer la viande et de la remplacer par une bonne terrine de grillon ou du pâté de termite. Qu'est-ce que vous en dites, vous, le gros bourrin masculiniste en armure ? Rire fait du bien. Merci aux gauchistes de nous faire du bien. Les chroniques du Krak. L'extraordinaire Dominus Regnavit de Jean-Joseph de Mondeville, né en 1711, rappelé à Dieu en 1772, Mondeville, compositeur, violoniste, chef d'orchestre français, un grand monsieur né sous Louis XIV et décédé sous le règne de Louis XVI. N'hésitez pas à manifester votre satisfaction par des pouces levés sous la vidéo, ça récompense bien un travail, ça je peux vous le garantir, et vous pouvez écrire à l'adresse électronique de l'émission chroniquesducrack@proton.me. Chroniques au pluriel. Puisqu'il s'agit des chroniques du crack et donc de reconquête culturelle, quand on parle de reconquête culturelle, il faut aussi citer Média Presse Info. Donc je remercie nos amis de MPI qui relaient chaque chronique du crack. MPI, Média Presse Info, l'information sans concession, agréablement illustrée par les dessins de l'ami Ignace. Politique, internationale, société, religion, tout est passé en revue et en détail. Média au pluriel, -presse.info. Allez, je saisis maintenant mon gantelet en maille d'or. Vous savez que l'or, ça fait du bien sur le compte en banque, mais ça fait mal quand on le reçoit sur la joue. La gifle d'or, qui est d'ailleurs placée sous le haut patronage de Notre-Dame de la Gifle. C'est une dévotion qui existe. Si, si, en Italie. Je jette donc mon gantelet en côte de maille sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. J'ai pas envie de m'étendre vraiment sur cet étalage de boue antichrétienne, donc je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, mais je peux vous dire que c'était vraiment la kermesse des démons et des sorciers au milieu d'une débauche d'invertis sexuels à moitié nus. Et tout ça est passé à la télévision à une heure, je vous le signale, à une heure de grande écoute, sans aucun carré blanc, comme on faisait avant, pour prévenir les parents du caractère amoral et pervers d'une cérémonie qui n'a rien à voir avec le sport. Et ce qui est pire, est sûrement cette scène blasphémant une représentation de la scène, le dernier repas du Christ Jésus avant sa passion. Bref, ça a été une pantomime grotesque, impudique de drag queen. Alors, face à cela, que faire? J'en parlerai en conclusion de cette émission, mais d'ores et déjà, je peux vous dire ceci. D'abord, il faut constater que les actes antichrétiens se multiplient dans notre pays de façon de plus en plus grave. Le danger serait de s'habituer au blasphème et que notre indignation finisse par diminuer. Ça, c'est le danger. Donc, il faut entretenir cette indignation. Il doit en effet y avoir de la compassion pour le pécheur. Ça, c'est évident. Et c'est un devoir même d'avoir de la compassion pour le pécheur, de prier pour lui. Mais on ne doit pas avoir de compassion pour le péché. C'est le centre du christianisme, la messe, qui a été mis à l'ordure. Alors il ne faut pas se recroqueviller sur nous devant de telles injustices. Protestons, disons-le autour de nous, confessons notre foi. Nous n'avons pas aimé cette cérémonie à cause de ce blasphème. Citation de l'évangile de saint Matthieu. « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. » Parole de notre Seigneur. Donc soyons fiers de notre foi, ne mettons pas notre drapeau dans la poche. Il faut réparer. Vous savez, c'est ce que disait le cardinal Pie. S'il n'est pas le temps pour Jésus-Christ de régner, alors il n'est pas le temps pour les gouvernements de durer. C'était la très belle leçon que le cardinal faisait à Napoléon III. D'abord, il faut réparer par nos prières. Ensuite, il faut agir. Je vous suggère de boycotter tout ce qui tourne autour de ce commerce infernal. N'achetez pas, s'il vous plaît, aucun accessoire frappé du logo JO Paris 2024. Donc, relevons nos bannières avec le chœur Montjoie Saint-Denis de Jacques Arnoux qui, depuis 1979, fait vivre le patrimoine chrétien et militaire de notre nation en faisant claquer nos bannières. Claquer, bannière de chrétienté, contre-révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition, chez Patrie, nos devis sont faits. les socialistes, claquer bannière de chrétienté. dans les chroniques du crack numéro 7. À l'instant, le chœur Montjoie-Saint-Denis avec claqué bannière de chrétienté. Et enfin, le très bel, très émouvant hymne à Saint-Michel, patron des paras, par la promotion capitaine Bianca Maria. Saint-Michel qui est le grand maître des chevaliers de Notre-Dame. Les chevaliers de Notre-Dame qui cultivent l'esprit de corps, l'estime du corps qu'ils endurcissent et le travail de formation morale et intellectuelle. Maintenant, prenez une feuille de papier, un stylo et un verre d'eau et un comprimé pour la tête, parce que je vais vous citer saint Thomas d'Aquin. Vous le savez sûrement, l'opinion courante, de ceux d'ailleurs qui n'ont que rarement lu saint Thomas ni saint Bernard, est de dire que la pratique de la religion est incompatible avec l'état militaire qui est violent. Voilà, qui est violent. Alors, il ne s'agit pas tellement de violence, mais de force. Et la force est une vertu morale, ne l'oublions pas. Donc, que la pratique de la religion soit incompatible avec l'état militaire, nos chers dominicains d'Avrier ont largement eu le loisir de réfuter cette subtile fausseté dans leur publication, à la suite donc de saint Thomas, qui était le grand ami de saint Louis, roi de France, et qui était donc le contemporain de cette chevalerie du XIIIe siècle. Alors d'abord, la Sainte Église elle-même semble condamner la chevalerie. D'abord, on ne doit, n'est-ce pas sortir l'épée pour venger une offense, puisque la perfection de la vie chrétienne consiste à appliquer cette maxime du Seigneur citée dans l'évangile de saint Matthieu, ouvrez les guillemets, « Moi je vous dis de ne pas résister au mal, mais si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre », fermez les guillemets. Ce que l'on peut dire, c'est que si de nombreux saints ont refusé de répondre à l'injure personnelle, ils ont tout de même sorti l'épée lorsque le bien commun, leur famille, leur état, leur couronne, lui-même était menacé. Saint Thomas rappelle ce qui est écrit dans la Bible au premier livre des Maccabées. Vous savez combien de combats nous avons livrés, moi et mes frères, et la maison de mon père, pour les lois et les choses saintes. Donc saint Thomas conclut qu'on peut convenablement instituer une religion pour combattre, mais combattre en vue de défendre le culte divin, le salut public, aussi les pauvres et les opprimés, selon cette parole du psaume 81, verset 4. Arrachez le pauvre et délivrez celui qui est dans le besoin de la main des pécheurs. Je cite le docteur Angélique. La force qui, dans la guerre, défend la patrie, ou la maison des faibles, ou ses compagnons contre les voleurs, est pleine de justice. Dissimuler les injures faites à Dieu est une souveraine impiété. Il ajoute « Combattre pour quelque chose de mondain est contraire à toute religion, mais non pas combattre pour le service de Dieu. » Autre argument que peuvent nous opposer ceux qui prêchent sans cesse et sans discernement la modération, c'est que l'état de religion est un état de pénitence. Or, par exemple, du temps de saint Thomas, la milice armée était interdite aux pénitents. Vous savez, c'était les membres des confréries de pénitents. Pénitents noirs, pénitents blancs, etc. Il est vrai que la milice séculière, donc la chevalerie pour le service d'un prince ou un autre noble, était interdite aux membres des confréries de pénitents. Mais, dit saint Thomas, la milice qui est pour le service de Dieu est imposée comme pénitence. Comme on le voit, pour ceux à qui il est enjoint de combattre en vue de délivrer la Terre Sainte. L'Église n'institue pas une religion, c'est-à-dire un ordre de religion, à l'effet de combattre comme s'il était permis aux religieux de faire la guerre de leur propre autorité, mais seulement par l'autorité des princes ou de l'Église. Pour conclure sur ce thème de l'acceptation de la chevalerie par l'Église, de l'acceptation de la force armée par l'Église, d'abord une précision. La sainteté consiste essentiellement à ne pas chercher à vivre ailleurs que là où Dieu nous a placés, à nous servir de l'environnement où nous sommes pour notre conversion, et enfin de sanctifier notre environnement, ou étendre ici-bas les frontières du royaume de Dieu, bien entendu. Et il est donc utile pour nous, chevaliers, ou aspirants à la chevalerie, pour toutes ces familles d'un ordre chevaleresque, il est donc utile de voir de près comment les chevaliers se sont jadis sanctifiés dans leur vocation. J'aimerais vous nommer quelques grands noms de chevaliers qui sont canonisés, et un certain nombre d'entre eux sont bienheureux ou saints, effectivement. Vous avez au 8e siècle Saint Guillaume d'Orange, qui lutta contre les Sarrasins puis devint moine. Au 9e siècle, Saint Géraud, comte d'Aurillac. Au Xe siècle, Saint Venceslas, duc de Bohême et martyr, et après sa mort d'ailleurs, la Bohême deviendra un état chrétien grâce à son exemple. Saint Venceslas, qui était grand prince de Kiev. Saint Étienne, qui fut le roi apostolique de la Hongrie après sa conversion. Et l'empereur Saint Henri II du Saint-Empire, dernier prince de la dynastie ottonienne du Saint-Empire. Donc voilà pour le Xe siècle. Au XIe siècle, le bienheureux Herluin, un ancien viking qui fonda en 1034 l'abbaye du Bec en Normandie. Au XIIIe siècle, le bienheureux Jean, donc Jean de Montmirail, il a bien existé lui, qui sauva la vie à Philippe Auguste et qui se fera moine cistercien. Toujours au XIIIe siècle, Saint Pierre Nolasque, le fondateur de l'ordre militaire de la Merci. Vous avez aussi Saint Ferdinand III, cousin de Saint Louis, roi de Castille et de Léon, qui refoula les Sarrasins jusqu'à Grenade. Et Saint Louis IX de France, roi et croisé. Au XIVe siècle, nous avions le martyr Saint Raymond Lulle, qui est l'auteur du Livre de l'Ordre de Chevalerie, Saint Elzard de Saint-Elzéar, c'est important, n'écorchons pas le prénom Elzéar, je connais un chevalier de Notre-Dame qui pourrait se fâcher, je le salue au passage, Saint Elzéar de Sabran, qui fut le tuteur de l'héritier du royaume de Naples. Le bienheureux Charles de Blois, né en 1320, mort en 1364, duc de Bretagne, neveu de Philippe VI de Valois. Au XVe siècle, qui avions-nous ? Nous avions le bienheureux Nono de Sainte-Marie, ancien connétable de Portugal, frère du maître de l'ordre des chevaliers de Calatrava, un héros superbe, un guerrier incomparable, qui est mort religieux carme dans le couvent qu'il avait fondé à Lisbonne. Il faudrait bien sûr ajouter des dizaines de milliers de saints anonymes, chevaliers croisés et des ordres militaires tombés au combat et à qui Saint Bernard promettait la palme du martyr. Tous ceux qui ont été suppliciés par les Sarrasins et les païens plutôt que de renier leur foi. Tous les militaires chrétiens antérieurs à l'époque de la chevalerie comme Saint Sébastien, Saint Mercure, Saint Georges, par Saint Georges, Saint Maurice et ses compagnons, Saint Nicolas, Saint Marcel de Tanger, les 40 martyrs de Sébaste, Saint Auxence, Saint Martin de Tours, le général de Sonis, tous grands et nobles par leur sacrifice. Grande et noble, telle est aussi la musique de Guillaume de Machaut, une musique du XIVe siècle à la gloire d'Anne Boleyn, la pauvre qui est morte assassinée par l'infâme Henri VIII d'Angleterre. Voici donc maintenant le groupe Les Médiévales pour interpréter cette très belle chanson « Douce dame jolie » du XIVe siècle, Guillaume de Machaut. chevalier Hector de Maris. Venez d'un village, trimartolo, dio wonk, tralala, la la la la, trimartolo, dio wonk. Venez d'un village, venez d'un village gay, venez d'un village, venez d'un village gay, venez d'un village, gonna be Bonjour chez vous et bienvenue dans cette 7e édition des Chroniques du Crack. Vous venez d'entendre le groupe Les Médiévales, pas Les Médiévaux, hein, Les Médiévales, interprétant la chanson de Guillaume de Machaut, Douce Dame Jolie, suivie de cette reprise du tube d'Alan Stivell par Nolwenn Leroy, Trimartolod. Alors exactement, ce n'est pas une, il faut le dire, ce n'est pas une création d'Alan Stivell comme on le pense en général, puisque nous avons là une chanson traditionnelle bretonne, mondialement connue, depuis l'interprétation par Alan Stivell. C'est aussi une ronde à trois pas dansée en cornouailles, et ce n'est pas notre ami Alban Guillemois qui... notre ami et notre frère, Alban Guillemois, qui me contredira. Retour à l'histoire avec cette grande journée de la chrétienté en compagnie de l'empereur Constantin Ier, qui a fait danser son rival Maxence sur le pont Milvius, enfin danser ou figurer bien entendu. La nouvelle mode au cinéma en matière de films épiques semble être maintenant de glorifier les guerres des sultans, par exemple, qui ont été mobilisés contre les armées chrétiennes. Que se passe-t-il ? Devrions-nous avoir honte de notre passé guerrier, nous les chrétiens ? Non, au contraire. Voici par exemple donc la bataille et la victoire du pont Milvius. On peut dire avec les historiens chrétiens que l'an 312 après Jésus-Christ est la date de naissance de la chrétienté. Oui, d'une part, le sang chrétien était déjà répandu dans les arènes des cirques romains. Hélas, depuis le règne du César Nerva en 96, les préfets romains redoublaient de zèle et de fureur contre la secte chrétienne. Mais, le 28 octobre 312, les soldats chrétiens, les soldats ont répandu pour la première fois leur sang dans une bataille pour la défense de la croix. Constantin est le fils du défunt empereur Constance Chlore. Il administre les provinces romaines de Gaule et de Bretagne. Et à la mort de l'empereur, Constantin est proclamé César par ses troupes de l'Ouest. Cependant, le titre d'empereur n'était pas encore héréditaire à cette époque-là. Toute l'Italie, elle, à l'Est, acclame Maxence. Constantin est proscrit, accusé par Maxence de parricide, puisqu'il l'accuse d'avoir fait assassiner l'empereur. À tort, évidemment. Mensongèrement, il l'accuse d'avoir fait assassiner l'empereur Constance Chlore. Donc, en ce 28 octobre de l'an 312, Constantin, empereur de l'Ouest, vint camper face à Rome, à Saxa Rubra, sur la Via Fluminia, à 10 km au nord-est de Rome. Et dès que Maxence apprend l'arrivée de son ennemi dans les environs de Rome, il se porte bien sûr à sa rencontre avec ses cohortes prétoriennes et les vigiles. Oui, alors, je ne parle évidemment pas des sociétés de sécurité des grands magasins. Les vigiles étaient les troupes chargées à Rome depuis le règne d'Auguste du maintien de l'ordre et de la lutte contre le feu. Donc Maxence se porte avec ses vigiles et les cohortes prétoriennes vers le pont Milvius, qui est actuellement le pont Milvio, qui franchit le Tibre, puisque Maxence ne doit évidemment pas laisser à son ennemi le contrôle de la route de Rome, c'est évident, et en plus, il va s'attirer l'opposition du Sénat. Donc, une lutte va s'engager pour le contrôle de Rome, le futur gouvernement de l'Empire, et pour l'avenir du christianisme. Pourquoi je dis ça? Parce que les chrétiens suivent autant qu'ils le peuvent, mais toujours avec anxiété, le déroulement du combat. Parce que si Constantin meurt, les chrétiens d'Italie et d'Afrique seront exterminés. Mais Dieu est avec Constantin, puisque, vous le savez peut-être, peu avant le combat, un signe est apparu dans le ciel, au-dessus des tentes de l'empereur de l'Ouest, une croix, et une voix se fait entendre « Par ce signe, tu vaincras ». À ce moment-là, Constantin est encore païen, mais il fait automatiquement, immédiatement, je dirais, apposer la croix du Sauveur sur tous les boucliers de ses légionnaires. Cela a été testé par Eusèbe, archevêque de Césarée. Et les légionnaires de Constantin vont se battre à 1 contre 10, mais ils vont pourtant repousser les armées de Maxence jusqu'au fleuve romain. Ça, c'est un autre prodige. Et les soldats se ruent vers un pont de bateau lorsque la plupart d'entre eux, paniqués, ont tranché inexplicablement les attaches de celui-ci. Le pont s'est disloqué, les soldats sont tombés, tombés dans le Tibre et se sont noyés. Constantin est vainqueur, il sera sous le nom de Constantin le Grand, le premier César chrétien de Rome. Un des auteurs de musique médiévale, actuellement parmi les plus talentueux, est Daniel Taylor. Les deux disques de La quête du Graal de la Nef donnent vie à l'histoire de Perceval et du Graal dans la version chrétien de Troyes, avec un mélange de compositions originales, de mélodies traditionnelles, anglaises, irlandaises, écossaises et galloises, c'est bien agréable. Voici l'air des chevaliers, qui raconte le moment où le jeune Perceval est stupéfait à la vue des chevaliers en armure qui passent dans la forêt. Il deviendra par la suite, vous le savez sûrement, lui-même chevalier de la Table Ronde. Thank you. Bienvenue dans les chroniques du crack des chevaliers, Hector de Maris, pour vous servir. Lors de la dernière émission, j'ai évoqué pour vous l'ordre des chevaliers du Christ ou ordre du temple, ordre des chevaliers du Christ, du temple de Jérusalem. On ne le sait pas trop, ceux-ci furent bien présents en Espagne contre l'islam guerrier, mais ils n'étaient pas seuls. Je vais vous parler des autres grands ordres religieux militaires de la péninsule ibérique, souvent moins connus. On croit souvent que les chevaliers religieux militaires ne se battaient qu'aux portes de Jérusalem. Or, ces ordres chevaleresques ont été fondés pour défendre toute la chrétienté menacée. Ce qui signifie la Palestine, mais aussi la France, l'Europe slave et la péninsule des Ibères. Si vous voulez, il y avait deux types de grandes chevaleries. Il y avait la chevalerie aux ordres des princes, donc qui défendait le territoire, le royaume, et puis les ordres de chevalerie, ordres religieux militaires au début, qui défendaient la chrétienté à ses frontières. Il y eut donc, entre 1096 et 1270, huit grands pèlerinages armés qui débutèrent au XIe siècle par la marche de Geoffroy de Bouillon vers Jérusalem et qui se sont terminés au XIIIe siècle par la mort de Saint-Louis à Tunis. Mais l'apparition de l'islam au VIIe siècle va inquiéter l'Europe chrétienne avec la chute de l'Espagne catholique en 711, envahie par le sud, par les guerriers berbères. Donc l'Espagne, en 711, est perdue pour Rome. Mais elle sera reprise aux Maures, M-A-U-R-E-S, dès 718, par le roi Visigoth Pelage, à partir des cavernes de Covadonga. Cependant, les fiefs chrétiens reconquis doivent être défendus. L'ennemi est toujours à nos portes, n'est-ce pas ? Nous verrons aujourd'hui le premier de ces grands ordres militaires, né en Espagne, l'ordre de Calatrava. L'origine des chevaliers de Calatrava, l'histoire de ces chevaliers cisterciens à croix fleur-de-lysée rouge, remonte au XIIe siècle. Nous sommes en Castille, dans la Mancha, cette région naturelle du cœur de l'Espagne, au sud de Madrid. En 1147, l'armée du roi de Castille, Alphonse VII, avait réussi à reprendre aux guerriers musulmans le Ribat, c'est-à-dire la forteresse imposante de Calatrava, et Alphonse en confie tout de suite la garde aux Templiers, ses amis. 10 ans plus tard, une marée humaine, Almohade, marche sur la Castille. Ils sont déterminés à faire sauter le verrou qui défend la Mancha, leur ancienne forteresse. Dès qu'il l'apprend, le grand maître Robert de Cran fait savoir au roi Sanche II que les Templiers de Calatrava et ceux de la commanderie de Madrid ne seront jamais assez nombreux pour défendre la forteresse. Le roi fait appel aux chevaliers de son armée, promettant de leur donner à chacun toute la région à titre héréditaire en échange de leur défense de Calatrava. Personne n'ose accepter. Il y eut alors un religieux cistercien, le frère Diego Velázquez, ancien compagnon d'armes d'Alphonse VII, qui est illuminé par une inspiration divine. Calatrava sera protégé par Dieu. Il réussit à convaincre son supérieur, Dom Ramon Serrat, qui est père abbé du monastère de Fitero. C'est ainsi que ces deux religieux parlent au roi et s'engagent à défendre leur forteresse. Alors on imagine bien que cela s'est fait avec quelques hésitations, le roi a accepté tout de même et a nommé Ramon Serrat capitaine général de Calatrava. En 1158, il lui fait donation perpétuelle à lui et à l'ordre de Cito de la citadelle à défendre. Donc, dès le départ, les volontaires en armes, chevaliers, soldats, paysans, affluent de tous les coins de la Castille et on pense de la Navarre. Ils s'enferment dans Calatrava, ils relèvent les murailles, ils arment la population alentour et en organisent la défense. Eh bien, figurez-vous que les Maures, impressionnés, se sont retirés tout de suite sans combattre. Les chevaliers de Diego Velázquez vont ainsi repousser leurs ennemis jusqu'à la forteresse de Salvatierra, 50 km plus au sud, vont franchir le défilé de Despeñaperros, vont s'enfoncer en territoire musulman jusqu'à Úbeda et Baeza et rapporter butin et vivres. Victoire sur toute la ligne. Vous savez bien entendu qu'il n'y a rien de plus attractif qu'une institution qui est victorieuse sur toute la ligne. Donc le nouveau suzerain de Calatrava va pouvoir recruter 20 000 paysans navarrais et castillans enthousiastes et décide de les armer chevaliers. Oui, parce qu'il est père abbé et il en a le pouvoir. Donc il le fait en triomphant des oppositions de la noblesse castillane. Qu'importe, il décide que tous les membres de cette nouvelle milice seront religieux, pas encore religieux cisterciens, mais religieux de fait, et avec la possibilité de monter un destrier et de manier l'épée. Si cette nouvelle chevalerie n'est officiellement pas encore une branche de l'ordre de Cîteaux, les chevaliers de Calatrava étaient néanmoins tenus d'assister à l'office comme les moines. Le roi Sancho de Navarre dira que ce sont des loups au son des trompettes et des agneaux au son des cloches. C'est très joli. À la mort de Don Ramon en 1163, contre les moines qui réclamaient l'un d'entre eux, le frère Rudolph, eh bien les chevaliers réussirent à imposer l'élection de Dom García comme grand maître. L'ordre de Cîteaux accepta la supplique de Dom García d'incorporer Calatrava à l'ordre cistercien. Le pape Alexandre III va confirmer l'ordre Calatrava comme ordre militaire cistercien par bulle. Chaque castillo de Calatrava fut désormais considéré comme une maison cistercienne. Et en 1187, Calatrava est affilié à l'abbaye de Morimont en France. Que faisaient-ils ces chevaliers de Calatrava en temps de paix ? La règle était très stricte. Hein. En plus des vœux religieux habituels, obéissance, chasteté, pauvreté, les chevaliers devaient garder le silence dans le dortoir, le réfectoire et l'oratoire. Ils devaient jeûner 4 jours par semaine, dormir en armure et n'être vêtus que de la robe blanche cistercienne frappée de la croix fleur de lys noire qui deviendra rouge au XVIe siècle. Mais le combat contre l'envahisseur mort continuait. Le 18 juillet 1195, l'ordre de Calatrava perd ses meilleurs chevaliers à Alarcos. Calatrava tombe sous la coupe du croissant mahométan. Face à cette crise, le commandeur d'Aragon est proclamé grand maître par les chevaliers aragonais. Le pseudo-siège de l'ordre est désormais la forteresse du commandeur d'Aragon chez lui à Alcaniz. Les chevaliers castillans, eux, restaient fidèles au maître légitime, Sancho Fernández de Lemos. En 1198, le commandeur de Castille, Martin Martinez, réussit par un coup d'audace incroyable à s'emparer de Salvatierra. L'ordre revenait chez lui, l'ordre revenait dans son fief, et la même année, le pape Innocent III condamnait le schisme aragonais au sein de l'ordre de Calatrava, bien entendu. Salvatierra sera hélas repris en 1210 par les Almohades qui menacent alors toute la chrétienté hispanique. Ils sont aux portes, quoi, si vous voulez. Et en réaction, le pape ordonne donc la croisade dans tout l'Occident chrétien. Des milliers de combattants franchissent les Pyrénées. Les forces de l'ordre militaire de Calatrava sont rejoints par les chevaliers de l'hôpital, de Santiago et du Temple. La forteresse de Calatrava et sa région, le Campo, est repris par les armées du Christ le 30 juin 1212. Près de Salvatierra, les trois rois, Alphonse VIII de Castille, Pierre II d'Aragon, Sancho VIII de Navarre, passent les troupes en revue. L'abbé de Cîteaux, Dom Arnaud Almari, ami de Simon de Montfort, légat du pape, lui qui avait prêché en 1204 la croisade contre les Albigeois, ce 16 juillet chevauchait aux côtés des Calatravés. et ce sera la fameuse bataille de Las Navas de Tolosa qui brisa définitivement la puissance musulmane dans la péninsule. Sous le 8e maître de Calatrava, Dom Martin Martinez, les prisonniers musulmans construisent l'une des plus importantes forteresses chrétiennes de l'époque, le convent sacré de Calatrava la Nueva, qu'on peut toujours admirer en Castille, où les maîtres vont s'installer à partir de 1217. L'ordre était à son apogée. Plusieurs ordres militaires lui seront incorporés, l'ordre de San Julián del Perero, l'ordre portugais d'Avis, et en 1221, l'ordre de Monfragüe. Hélas, les rois d'Espagne vont séculariser l'ordre depuis Ferdinand le Catholique en 1487, puisque le très catholique devient le grand maître de l'ordre sur décision romaine et ses successeurs avec lui. La dernière participation militaire de la chevalerie de Calatrava aura lieu lors de la prise de Grenade, dernière grande époque de la Reconquête. À partir de cette date, l'ordre perd petit à petit son esprit militaire, son âme religieuse, il va devenir progressivement mondain, il faut le dire. En bon révolutionnaire, Joseph Bonaparte, éphémère roi d'Espagne, joue son petit Philippe le Bel et confisque les biens de l'ordre en 1808. Ce sera Ferdinand VII d'Espagne qui les restituera aux dignitaires de Calatrava en 1814. La République dite espagnole va supprimer l'ordre en 1873, avant qu'il ne soit rétabli 2 ans plus tard par le gouvernement en accord avec la papauté. Aujourd'hui, Calatrava est une distinction honorifique, même si des dames commandeurs, les commandoras, vivent encore, en religieuses bien entendu, dans 2 couvents de l'ordre, celui de Madrid et celui de Burgos. Retour à la musique maintenant dans ces chroniques du crack, pour souffler un peu, avec d'abord le chant d'Apachem Domine par l'ensemble Organum, reprenant ici l'un des chants que les Templiers chantaient en Terre Sainte, et enfin un groupe inspiré par des compositeurs modernes comme Karl Orff, le groupe Globus, pour l'exceptionnel Préliator. Que vos écuyers apprêtent vos armes et vos destriers chevaliers lassez vos hommes et encelle, la guerre reprend. La statue d'arrachée de son socle est finie à coups de massue. On déboulonne plus facilement une statue qu'une mémoire. Notre histoire et notre mémoire. Les chroniques du crack. Globus ou Globus, je ne sais pas exactement comment on dit, un adroit mélange entre la guitare électrique et l'orchestre symphonique avec au chant solo Lisbeth Scott. Et auparavant, je vous ai passé donc ce chant templier interprété par l'ensemble Organum, fondé par Marcel Pérez en 1982, devenu une référence dans le milieu du chant grégorien interprété par des laïcs non religieux. Organum a donné plus de 1300 concerts durant ces 35 dernières années. Tiens, justement, au fait et à propos, remontons le temps. Soudain, vers 1940, je ressentis des secousses violentes et désordonnées. Ma première pensée fut que la machine était déréglée à la suite d'un défaut mécanique. Je décidai d'avancer plus loin dans le temps afin de voir quelle en serait l'issue. En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. On retrouve tout de suite Tancred, le fils du comte et de la comtesse Gilbert et Hermine de Montmirail. Donc, pour rappel, son oncle paternel est le sire Gautier, vassal du seigneur de Beauvais, le comte Gautier, chez qui il fait normalement son apprentissage de page. Le frère Dominique Marie de l'ordre de Saint-Dominique lui enseigne doctrine, lecture, écriture et calcul. Clint du Bois de l'Est lui apprend l'art de monter à cheval. Guillaume Taillefer est son maître d'armes. Dame Clotilde de Montmirail lui apprend la courtoisie et la danse. On a vu la fois dernière dans les chroniques numéro 6 que le jeune Tancred avait un petit frère nommé Geoffroy et je me suis penché donc durant 8 minutes sur le berceau du lardon saucissonné comme Bécassine accrochée à son clou. Alors revenons à Tancred. Pour fêter la naissance de son cadet, Sir Gilbert a décidé que son fils aîné passerait 2 semaines au donjon familial. Et sur les instances de son frère Gautier, le comte de Montmirail a accepté de ne pas interrompre l'éducation du premier de ses deux fils. Mais pour l'heure, Tancred est aux écuries, il est assis sur un tas de fourrage et il repense à ses premières années d'apprentissage de la tenue de selle chez son oncle. Le premier soir, pour apprendre à seller correctement son ronçain alezan, maître Clint lui dit « Oui, mon jeune maître, c'est parfait. C'est serré mollement là sous le ventre de Tornade, c'est serré mollement, y a rien à craindre, allez grimper en selle. » Tancred n'oubliera pas cet instant. À peine avait-il été installé sur la selle que d'une seule ruade, la jument envoya tout voler. À gauche la selle et à droite le cavalier. Tancred se retrouve au sol. Clint était plié en deux de rire. Le brave homme se tenait les côtes. Tandis que le fils du comte Gilbert sentait tout le sang des Montmirail lui monter à la tête. Oh, soyez point colère, mon jeune maître, c'est pour vous apprendre. J'avais bien étalé suffisamment de paille sur le sol pour vous recevoir sans trop de mal. Quand vous passez la ventrière, regardez là, quand vous mettez la ventrière, voilà, quand vous passez la ventrière, voyez le ventre qui se gonfle. Il faut alors rapidement serrer fort. Tancred se souvient également de sa première journée de cheval avec Mr. Clint. Ils étaient partis avant le lever du soleil, au cœur de l'été, et ils étaient rentrés à la tombée du jour. Or, vous le savez, l'été, les journées sont longues, et ce bougre de Clint économisait les haltes trop longues. Les repos étaient fréquents, mais pour désaltérer les montures, et bref. Tancred se souvient du repas du soir pris au château de son oncle et il le prit debout. Il était impossible de s'asseoir. « C'est très bien, vous avez maintenant les fesses en acier. Les frères de votre père, qui ont combattu en Terre Sainte aux côtés du roi chevalier Philippe Auguste, ont raconté que les indigènes utilisaient comme monture d'étranges animaux, de haute taille avec deux énormes bosses entre lesquelles on pouvait s'installer. Eh bien, ces animaux semblaient assécher une rivière pour boire et ils pouvaient ensuite marcher des jours entiers sans boire. Bien, je vais vous apprendre à diriger Tornade avec les jambes et sans vous aider des rênes. Lorsque vous saurez le faire, vous pourrez ainsi chevaucher l'épée une main en main dextre et l'écu dans l'autre. Sur les conseils avisés de Maître Clint, Tancred apprit lance levée à faire avancer Tornade, puis à le lancer au galop, en abaissant la longue lance au dernier moment. En effet, le javelot de guerre est lourd, et il n'est pas possible de galoper durant des heures en le tenant à l'horizontale. « dans le pré, la jument de Michaud, son petit poulain, passer dans le pré, manger tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain, passer dans le pré, manger tout le foin. Quand l'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. Quand l'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 300, je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud, son petit poulain, a passé dans le pré, elle mangeait tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain, a passé dans le pré, mangeait tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. J'entends le loup, le renard chanter. C'est dans 2 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 1 an, je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud, son petit poulain, a passé dans le pré. Elle mange tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain, a passé dans le pré. Bonsoir, merci. Excusez-moi, mais je suis un peu perdu. Vous faites du rallye ? Vous êtes boxeur, cascadeur ? Vous tournez dans un film historique, là ? C'est qui la vedette du film ? Il est un peu connu ? C'est vous, Arte ? Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Si on peut plus parler, hein. Je vous ennuie. Oui, certes. Ciao. Tu vois ? Il va continuer à faire ça longtemps, lui ? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, allons, ça devient casse-pied. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblio et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, oh, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça suffit. Venez à table avec nous. Sale geste nerais. Hein, mon Jacouille? Tu ne veux pas venir à table avec nous? Oh, non, non, non, Seigneur Hubert. Eh ben, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez. Ça me coupe l'appétit. Oh, non, non, non, non, non, que nenni, que nenni. Obéis, oh, Maro. Je te l'ordonne. Ça sera plus sympa. Chronique du crack. Chevalier Hector de Maris. Au-delà des mers, dans les contrées d'Irlande, venez compagnons, pour y semer chansons, dansons à fendre l'air au son de vivre sarabande. Un beau jour, nous y retournerons. Et vertes vallées. Dans mes jeunes ménestrances, je m'en allais louvoyer. J'y contemplais la terre des hauteurs de Tara, la jonc et la bruyère, tant de trésors qui me tendaient les bras. S'éveillaient les vents, je m'assis sous un chêne et j'y déposais mon camp. J'y ouïs un langage chanté d'un fifrelet, la douceur d'un ramage s'envolait de son biseau de bouée. Sur les routes d'Irlande, dans les brumes salées, l'ignorance était des landes semble encore me rappeler. Sur les Bienvenue dans vos chroniques du crack, à l'instant la jument de Michaud, de Trian. Ensuite, sur les routes d'Irlande, la reprise de On the Roads to Ireland par Craub Roy et Larry Hould, les compagnons du monde. Alors avant de clore cette émission, j'aimerais revenir sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Alors que vous le savez, le Vatican se tait avec complaisance sur cette cérémonie bestiale et démoniaque, Civitas International et la Fraternité Saint-Pilis demandent aux catholiques des actes de réparation. L'archevêque Mgr Vigano, excommunié par un pape qui, depuis longtemps, n'est plus en communion avec ses prédécesseurs de Saint-Pierre à Pie XII compris, Mgr Carlo Vigano a réagi par un communiqué que je vais vous lire, que le site lemedian.fr, lemedian.fr, publie. Je vous lis donc la déclaration de son Excellence Mgr Vigano. Extrait. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris n'est que la dernière d'une longue série d'attaques ignobles contre Dieu, la religion catholique et la morale naturelle par l'élite antichrétienne qui tient en otage les pays occidentaux. Nous avions déjà vu des scènes tout aussi perturbantes lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, de l'inauguration du tunnel du Gothard en 2016 et des Jeux du Commonwealth en 2022, mettant en scène des figures infernales, des chèvres et des animaux terrifiants. L'élite qui organise ces cérémonies exige non seulement le droit au blasphème et à l'exhibition obscène des vices les plus vils, mais aussi leur acceptation silencieuse par les catholiques et les personnes décentes, contraints de subir l'outrage de voir les symboles les plus sacrés de leur foi et les fondements mêmes de la loi naturelle profanés. Nous avons assisté à une danse macabre dystopique, où des hologrammes de cavaliers de l'Apocalypse alternés avec un Dionysos bleu et dodu, servi sous une cloche de divers plats, la parodie de la scène LGBTQ+, la performance truculente d'une Marie-Antoinette décapitée chantant « Ça ira » pour célébrer les horreurs de la Révolution française, les ballets de travestis barbus et de danseurs efféminés accompagnés de chanteurs mimes pitoyables. Dans ce spectacle provocateur, Satan ne sait rien faire d'autre que ruiner la perfection créatrice de Dieu, se montrant comme l'auteur envieux de toute contrefaçon. Satan ne crée rien, il ne fait que tout ruiner. Il n'invente pas, il falsifie. Et ses adeptes ne sont pas différents. Ils humilient la féminité de la femme pour effacer la maternité qui rappelle la Vierge Mère. Ils émasculent la virilité de l'homme pour lui arracher l'image de la paternité de Dieu. Ils corrompent les petits pour tuer en eux l'innocence et en faire les victimes du wokisme le plus abject. Je continue donc cette citation de l'archevêque Mgr Vigano. La tolérance ne peut être l'alibi de la destruction systématique de la société chrétienne, une société à laquelle s'identifient des milliards de personnes honnêtes et jusqu'à présent silencieuses. Cette usurpation doit cesser, et elle doit cesser non seulement parce qu'elle blesse la sensibilité des croyants, mais parce qu'elle offense la majesté de Dieu. Satan n'a pas les droits de Dieu. Le mal ne peut être mis sur le même plan que le bien, ni le mensonge être équivalent à la vérité. C'est sur cela que repose notre civilisation, une civilisation que certains voudraient enterrer sous les décombres physiques et moraux d'un monde en ruine. Il doit être clair que la patience et la tolérance des fidèles et des citoyens sont épuisées, qu'il n'est plus temps de déplorer, mais d'agir, même et surtout lorsque les autorités civiles et religieuses sont complices de la trahison. J'exhorte les catholiques à faire réparation par la prière, le jeûne et la pénitence, pour les outrages perpétrés contre notre Seigneur Jésus-Christ et contre notre sainte religion. Et que le recours confiant de ceux qui sont bons devant le trône du Très-Haut ne soit pas dissocié d'un réveil général des consciences, afin que le roi des rois règne à nouveau sur les nations, les sociétés, les familles et l'Église. Carlo Maria Vigano, archevêque. Alors que faire ? Voici ce que les chevaliers de Notre-Dame vous proposent de faire. Nous sommes engagés dans un combat pour étendre les frontières du royaume de Dieu. Or, que constatons-nous ? Nous constatons que la seule extension d'un royaume est celle du royaume de Satan. Je viens de parler de la luciférienne ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, je n'y reviens pas, mais à côté de cela, et depuis des décennies, nos rues sont envahies par des légions de zombies ordinaires, arborant comme des trophées les modes infernales, tatouages, piercings, t-shirts, etc. Notre terre, anciennement chrétienne, est travaillée et retournée par les sinistres laboureurs du 666. Face à cela, il n'y aurait rien à faire. Notre belle règle répond, je cite, « Quand les fidèles se relâchent et perdent leur ferveur, Dieu permet un retour offensif des puissances de ténèbres. » C'est dans le prologue. Nous avons Dieu pour Père, la très sainte Vierge Marie pour Mère, Saint Joseph pour protecteur, Saint Michel, grand maître des chevaliers de Notre-Dame, et nous aurions peur. Nous sommes épaulés par nos anges gardiens, la milice angélique est prête à l'action. Lucifer s'agite beaucoup pour faire oublier qu'il a été battu par Saint Michel et qu'il le sera encore. On peut se demander pourquoi tant d'âmes qui se perdent sont attirées par le côté obscur. Il me semble que, outre l'action persuasive de l'enfer, c'est surtout par mimétisme, au spectacle de tant de monsieur tout le monde, esclaves des modes infernales. Alors, en réaction, voilà ce qu'on vous propose. Soyons les ambassadeurs du vainqueur de Satan, Saint Michel, arborant son image, avec nous et sur nous, en guise d'exorcisme. Il existe sur Internet des maillots pour 20 euros, des casquettes pour 6 euros. Donc, ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas impossible à faire, même en cette période difficile économiquement. Ainsi, quand nous aurons ces maillots ou ces casquettes à l'extérieur, dans tous les endroits sans Dieu, les magasins, les administrations, etc., montrons son image. Ce sera notre réparation facile au blasphème. C'est faisable, alors faisons-le, pour la reconquête de notre cité catholique. Voilà ce que j'avais à vous dire ce samedi 7 septembre 2024. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle chronique du Crac, une émission trimestrielle animée par Hector de Maris, chevalier de Notre-Dame par la seule grâce de Dieu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission le samedi 7 décembre de l'an de grâce 2024. On se quitte, bons amis, évidemment, sur l'exceptionnel Palladio du compositeur néo-baroque Carl Jenkins. Que Dieu vous accorde, avec la défaite du mondialisme assassin, longue vie et le saint paradis à la fin de vos jours. Chronique du crâne. Frère Hector de Maris.